que le plus grand frein, le plus grand masque à la transparence, c'est le médiocrisme? Non. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que c'est? Toutes les mécaniques de l'ego. Le médiocrisme, pour certains, c'est un des mécanismes. C'est un des grands mécanismes. Parce que... Là, j'aimerais répondre aux questions sur le papier et ne pas revenir sur la première partie. OK. Fait qu'il faut que j'élimine la moitié des questions. Non, on va répondre aux questions. Quelle attitude avoir pour cellulariser que je n'ai pas de libre arbitre? Rire. Parle pas plus fort, mais monte le son en arrière. J'entends souvent dire qu'une personne a une belle âme. As-tu quand... Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une belle ego? Non. On peut dire qu'on peut avoir un ego intéressant, en ce sens que l'ego nous permet de travailler dans le sens que le mental veut aller ou dans le sens où l'intelligence veut aller. Quelqu'un qui a une belle âme, c'est quelqu'un qui a un ego qui n'est pas trop en désharmonie avec ce que l'on s'attend de lui. Par exemple, si j'aurais un maître, j'aurais une belle âme, si je serais son serviteur. Non, une belle âme, c'est réellement une question de point de vue. Une âme pure, c'est une âme sans ego. Ça, ce n'est pas une question de point de vue. Une belle âme, c'est quelqu'un qui dérange pas, qui fait comme tu veux, c'est un esclave. Ça dépend de ce que tu veux. Il peut être esclave, il peut être combattant, ça dépend de la personne qui observe. Ça, puis il y a des personnes qui ont un ego qui n'ont pas beaucoup d'ego, mais qui leur manque d'énergie. Ça peut être aussi ceux qu'on dit qui ont une belle âme. Ben, ils ont beaucoup d'ego, mais effectivement, l'ego s'exprime surtout par l'intérieur plutôt que par l'extérieur. Donc, ça ne dérange pas trop. Il y a une belle âme. Mais il n'y en a pas de belle âme. On a une âme pure ou on a une âme ordinaire. C'est encore fuir les trucs. Quelle est la relation entre le Nazarien et les extraterrestres du futur qui nous transporteront? Qui nous transporteront? C'est ça. Premièrement, le Nazarien est un extraterrestre. Tout le monde sait ça. Quand Marie a rencontré l'extraterrestre en question, pour avoir un bébé, alors ça a donné un extraterrestre humain. La conscience de l'être extraterrestre et la conscience devait venir créer un fœtus à l'intérieur même du corps de Marie. Étant donné que Marie n'était pas mariée, Marie elle était vierge. Aujourd'hui, on dirait Marie, elle était stupide. Bon, ben, c'est une question de temps. Le Nazaréen, c'est de la conscience christique. Le phénomène extraterrestre qui va venir de l'avenir et qui va venir du temps pour chercher certains humains, en réalité, ce n'est pas tout à fait chercher comme on peut le penser. On peut se référer à la conférence que j'ai faite à un moment donné sur quand les extraterrestres interviendront. Lorsque l'énergie vient... Elle est extraterrestre, c'est de l'énergie christique. Elle descend à l'intérieur de l'être humain. C'est ce qui a créé le Nazaréen à l'époque, donc le phénomène christique. Et ils ont, ceux qui vont venir comme le Nazaréen, ils ont la même source, la même provenance. Ils proviennent du même soleil. Ce soleil est un soleil qui est créé par l'agglomération concentrée de milliards de soleils. On parle plutôt d'un centre de galaxies. Lorsque l'être humain aura un contact avec le phénomène extraterrestre, en réalité, l'être humain aura un contact avec lui-même. C'est exactement comme si vous, votre intelligence, veniez chercher vos corps physiques. Pour l'ego et pour la vision cérébrale de l'humain actuellement, ça ne veut pas dire grand-chose de dire que vous, un jour, vous viendrez chercher vos corps. C'est la relation qu'il y a entre les deux, c'est qu'ils viennent du même soleil, ils vont procéder de la même façon et ils ne pourront venir chercher que les corps physiques en résonance avec ce qu'ils sont. Et quand je parle des extraterrestres, je parle de ce que vous êtes vous-même. Mais c'est compliqué à expliquer présentement parce que la majorité des cerveaux ne sont pas aptes à comprendre ce que à vivre la subtilité, la nuance dans ce que je dis. Est-ce que dans le plus loin que le phénomène intentionnel, est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'il n'y a que nous sur ce, c'est même pas un plan, c'est il n'y a rien. C'est exactement faux. Est-ce que c'est exactement le contraire? Non. Il y a, pour comprendre des mécaniques, des mécaniques. Donc, pour comprendre une non-mécanique, il faut procéder d'une non-mécanique. L'être humain se sert de son corps physique pour découvrir des mécaniques. Et ces mécaniques qu'il découvre sont des mécaniques du même ordre que son corps physique, des mécaniques physiques. L'être humain est capable de créer de la chaleur, il est capable de geler, donc de perdre de la chaleur, alors il aura un corps physique capable de détecter de la chaleur et de perdre de la chaleur. L'être humain est capable de faire des bruits à l'intérieur de son corps comme à l'extérieur, alors il aura des oreilles. L'être humain est capable d'émettre de la lumière, de l'infrarouge, d'autres couleurs, alors il aura des yeux. L'être humain est capable d'émettre des odeurs, alors il aura un nez. L'être humain est capable de toucher, donc il aura aussi le sens de la captation de si quelqu'un chose, si quelqu'un le touche. La mécanique matérielle permet de connaître la mécanique matérielle. Nous avons aussi la parole, nous avons la conscience, nous avons les sens vitaliques, les sens astraux, les sens mentaux. Quand tu parles d'au-delà de l'intentionnalité, tu parles de mécanique qui n'est présentement pas inclus dans la conscience de l'homme. Donc, en parler, c'est perdre du temps et de l'énergie, je peux en parler, personne ne va comprendre. Énergétiquement, ça ne serait même pas... ce serait tellement haut que ça ne serait même pas synergisable pour les individus. OK. Mais nous-mêmes, les extraterrestres, notre partie extraterrestre, elle se situe où? Sur quel plan? Elle se situe sur le plan de l'intelligence supramentale, mélange surtout au niveau du plan de l'intelligence supramentale. Il y a une coloration mélangée avec le plan bouddhique, mais la conscience, le phénomène extraterrestre, qui regarde l'être humain qui est écologique, qui est conséquentiel, donc qui évolue, et non pas qui involue, se situe au niveau du plan supramental. Il y a des planètes supramentales, il y a des étoiles supramentales, il y a des corps physiques supramentaux, il y a des villes supramentales, il y a plusieurs choses comme ça. Quand on dit être transporté, ce serait qu'on serait catapulté sur nous-mêmes, mais dans la forme au plan extraterrestre supramental. Quelque chose comme ça. L'énergie supramentale, c'est de l'énergie éthérique. On parle donc de l'éthérique supramental. On parle aussi de l'énergie vitale, celle qui révèle les formes. On parlera donc de l'énergie éthérique planétaire. Et on parlera aussi du double éthérique, le double supramental. L'énergie vitale planétaire, c'est elle qui permet la révélation de la matière. Elle permet donc la création des formes. Il y a donc des villes vitales. Montréal, matériel. Il y a des corps physiques qui sont vitaux, ton corps. Mais on dit, il était aussi atomique. L'atome est constitué d'énergie vitale. Mais plus densifié, il s'est révélé par la structuration de la forme. L'énergie supramentale et l'énergie vitale, c'est la même chose. L'énergie vitale crée des formes, crée des mondes. L'énergie supramentale crée des formes, crée des mondes. C'est pourquoi il y aura un double éthérique. Le double éthérique, c'est l'un des premiers vaisseaux extraterrestres ou vaisseaux séraphiques, donc on pourrait dire intergalactiques dans la réalité des choses, qui va permettre à l'être humain de se promener, d'être transportable. Quand je dis de devenir transportable, je veux dire nécessairement d'être déjà en forme d'emphase de l'égoïsation pour avoir un double éthérique. Le double éthérique, c'est la seule chose qui permet à l'être humain de traverser le monde astral, le monde mental, pour entrer en contact avec les plans supramentaux. Le double éthérique, c'est ce qui permet à l'être humain de digérer son ajusteur de pensée et d'être lui-même un phénomène extraterrestre, donc d'être lui-même un phénomène de conscience extraterrestre. Conscience galactique, supramentale, qui englobe en même temps la mécanique évolutionnaire des mondes froids, donc d'un contexte matériel planétaire. Lorsque un vaisseau, une intervention extraterrestre supramentale arrive, parce que les corps physiques supramentaux planétaires, donc les double éthériques, ne sont pas suffisamment constitués, il faut absolument que les êtres humains, pour être transportables matériellement à l'intérieur de cela, aient un double éthérique suffisamment constitué pour permettre une gestion plus évolutive, une gestion plus ascensionnelle du neuf à l'intérieur de la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant. Autrement dit, si l'être humain n'a pas suffisamment de double éthérique pour être capable, dans sa conscience planétaire, en tant qu'être humain matériel, de supporter le neuf, le poids du neuf, la friction du neuf, la friction d'une conscience nouvelle, d'une conscience nouvelisante, une conscience qui se dirige vers les choses totalement nouvelles. Et quand je parle de l'œuvre, je ne parle pas de prendre de la glaise et d'en faire une statue. Je parle de créer quelque chose d'autre que de la glaise pour créer quelque chose d'autre que de la forme conventionnelle. Je parle du neuf. L'individu qui a un double éthérique suffisamment avancé pour lui permettre un contact supramental suffisant avec une antenne planétaire, ou un contact direct avec sa propre entité supramentale au-delà du monde de la mort, celui-ci sera capable, dans son corps physique, de supporter le contact avec un phénomène extraterrestre plus matérialisé, pour la simple raison que les corps physiques ne seront pas totalement détruits par la sécrétion astrale et la circulation énergétique d'un contact entre un monde planétaire totalement traditionnellement religieux et un monde totalement extraterrestre qui ne provient pas de la théologie, donc de la religion, donc de la mémoire. Cela veut dire que l'être humain qui, par exemple, présentement rentre dans une soucoupe volante, on dit soucoupe volante, c'est amusé, il rentre dans un vaisseau spatial à caractère supramental, n'aura pas, on parle de l'être humain conventionnel, même la majorité des personnes qui suivent des phénomènes extraterrestres, n'ont pas de corps physique suffisamment solide pour résister à l'énergie qui permet la création de la forme du vaisseau spatial, donc on pourrait dire l'énergie magnétique, ce n'est pas de l'énergie magnétique, c'est au-delà de cela, ça a des effets similaires. L'être humain ne pourra pas, le corps physique ne pourra pas résister à l'énergie magnétique s'il n'a pas, au préalable, commencé une ascension et une descente, donc une fusion avec un endométrique. On commence la fusion avec un endométrique à l'instant où on a la capacité astrale de contrôler suffisamment son ego pour ne plus se laisser manipuler par l'ego, donc pour devenir un peu plus le maître. Si on est capable d'être le maître mental, contrôleur à bord du corps physique, on commence la fusion avec le double éthérique. Mais le double n'est pas totalement constitué, donc notre fusion va durer le nombre d'années nécessaires à la création du double éthérique par la négoïsation de notre ego. Si cela est commencé, on amène l'ego, on amène le double éthérique, on amène le corps physique, et parce qu'il y a un début de fusion, le corps physique est maintenant énergétiquement capable de supporter le contact avec l'intelligence supramentale. Donc, il est totalement capable de supporter le contact de la présence formique, de la présence, disons, matérielle, mais en réalité de la présence dans la forme d'un vaisseau supramental, alors le corps physique n'est pas détruit. Un être transportable est un être capable d'avoir un contact avec son double éthérique, donc un être transportable est un être capable d'être transporté par un vaisseau supramental. Dans les années 1992, les premiers contacts entre les êtres humains suffisamment évolués et les vaisseaux supramentaux vont commencer à se faire. Et il y aura des contacts entre certaines antennes. Ça ne veut pas dire que toi, tu pourras avoir un contact, mais ça veut dire que moi, j'aurai des contacts et que d'autres personnes auront des contacts. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. Mais ça ne veut pas dire que tu en auras. Progressivement, les personnes qui seront transportables seront instruites de la façon de voir, de la façon de toucher, de la façon de pénétrer. L'intelligence supramentale orchestrée de façon à amener le corps physique. Puis ça va donner quoi? Pourquoi est-ce qu'il va y en avoir qui vont être transportés? Ça va amener quoi? Ça, c'est une question de l'ego. C'est une question qui cherche des raisons. On n'en a rien à foutre. L'ego ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que ça va donner. L'ego ne comprend pas ce qu'est la vie, l'ego ne comprend pas ce qu'est la mort, l'ego ne comprend pas ce qu'est l'évolution, l'ego ne comprendra pas non plus ce qu'est la finalité. C'est pour l'ego. L'ego veut chercher des choses. On peut inventer des paradis, on peut inventer des Jérusalem célestes. On peut inventer un paquet de finalités qui plairont à l'ego. Mais si l'ego a suffisamment orchestré par un mental puissant, à chaque fois qu'il y aura une finalité, le mental pourra dire à l'ego, pose la question, pourquoi ça? Après, qu'est-ce qu'il y a? Et à un moment donné, on devra échapper au phénomène du temps, donc il n'y a pas d'après. S'il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. S'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de pendant. S'il n'y a pas de pendant, il n'y a rien. Et encore là, le mental aura raison, mais l'ego ne comprendra rien. Donc la question devient absurde. Si j'ai bien compris, pour obliger l'ego à accepter les conditions dans lesquelles il vit, nous devons mettre un masque et user de la conscience positive. Non. Non. Non. Non. J'ai passé une heure à expliquer qu'on devait ôter les masques. Et j'ai passé plusieurs années à expliquer que le phénomène positif, c'est un peu dangereux. Non. Okay. Quand il fait soleil, il fait soleil. De temps en temps, trop de soleil, ça nuit, alors il pleut. Quand il pleut, il pleut. Trop de pluie, ça nuit, alors il fait soleil. Trop de chaleur, ça nuit, alors il fait froid. Trop de froid, ça nuit, alors il fait soleil. Autrement dit, il fait beau. Quand il y a trop de soleil, l'humain bénit le froid. Après 2 jours de froid, l'humain maudit le froid. Quand il fait trop froid, l'humain bénit le soleil. Après 2 jours de chaleur, l'humain maudit la chaleur. Ce n'est pas du positivisme que de simplement comprendre l'écologie, l'écosystème dans lequel on est placé, et de l'accepter, et de s'en servir. Quand vous sortez dehors, vous avez le choix de dire « Ah, il fait soleil !» Et vous avez aussi le choix de ne rien dire. La meilleure chose, c'est de ne rien dire. Les personnes vont dire, finalement, Si je cesse de me plaindre, ça veut dire que je fais du positivisme. Ça, c'est parce que son maudit égo a décidé que la réalité était que tout était mauvais, qu'il fallait se plaindre. Cessez de brailler. Ce n'est pas de faire du positivisme. Ce n'est pas même pas de vivre de la conscience positive. C'est simplement de vivre. On cesse de se plaindre. C'est tout. C'est tout. Je vais poursuivre. Mais comment être heureux quand nous avons seulement accès qu'à la matière et à la mémoire, même en vivant des situations nouvelles à des moments courts ou longs? Cela reste pareil, rien ne change, cela reste toujours de la même matière et de la même mémoire. Oui, parce que c'est de la merde qui pose la question. Et nécessairement, ben, y a rien qui va changer. Comment voulez-vous que ça change? Le gestionnaire des questions est le même. Il n'évolue pas, c'est l'âme. C'est de l'ego. Ça apprend, ça n'évolue pas. Ça cumule de la mémoire, ça cumule de la souffrance, ça cumule de la plainte, ça n'évolue pas. Et lui, il se dit, oui, mais il n'y a rien qui change. Bien sûr qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien de pareil. Tout est différent. Sauf le chioleur et la chioleuse. L'humain, l'ego. Tout change sans arrêt. Vous ne bénéficiez pas des changements parce que vous ne bénéficiez pas de l'énergie. Parce que vous ne bénéficiez pas du temps. Vous en souffrez, vous y êtes assujetti, vous y êtes malléabilisé, vous y êtes fusionné. C'est rien qui va changer. Le Romain qui se plaignait que la boisson était mauvaise dans son verre de plomb va se plaindre aujourd'hui que la boisson est trop chère dans sa bouteille de verre. C'est rien qui a changé. Et à un moment donné, vous allez essayer de me... Je peux juste vous dire simplement, décrivez-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Puis vous allez vous rendre compte que dans 2-3 semaines, si on vous donne tout ce que vous avez désiré, vous allez encore être là chiolé. Je connais des personnes qui ont besoin de 2 000 $, elles seront sécurisées. Quand elles ont 2 000 $, si on en a encore un peu plus bas. Bon, 5 000 seront sécurisées. À 5 000 $, ça n'a pas plus d'allure. Il y a des millions, ils dépensent en fou un bout de temps, après ça, ils sont aussi pires qu'avant. Il y a tout le reste avec 500 000. Donc, c'est 5 000. Il y en a d'autres qui vont voyager. C'est la même maudite chose. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont s'acheter, il y en a qui vont tout le temps. C'est vous le problème. L'ego. Alors, c'est la même chose ici. On repart. Si j'ai bien compris, pour obliger l'ego à accepter les conditions dans lesquelles il vit, autrement dit, si j'ai bien compris, pour accepter qu'on vit dans la merde totale, puis qu'on a raison de chialer, on devrait mettre un masque. Donc, pour cacher, positiviser les choses, on est bien. Et viser la conscience positive. Comment vous ne réussirez jamais? Vous êtes le négatif parfait qui dit, si je comprends bien, pour être moins pire, il faut être positif. Mais non. Si je comprends rien, pour être mieux, il faut être positif. C'est sa conscience positive. Mais là, ici, on a tout à fait une destruction totale de la chose, c'est-à-dire que garantissez-moi que ça ne marchera pas, puis moi le faire. Bon. Mais comment être heureux? On s'en fout d'être heureux. Vous l'êtes déjà heureux. Vous êtes l'automobile qui attend que le vent la pousse alors qu'elle a un moteur. C'est simple. Vous êtes déjà heureux. Vous ne l'exprimez pas. Vous chialez à la place. Vous gémissez. C'est tout. L'être humain, il est déjà heureux. Il est déjà bourré d'énergie. Comment être heureux quand nous n'avons seulement accès qu'à la matière? Ben oui. On a accès au reste aussi. Mais pas avec l'ego. Exactement comme comment être heureux? J'aimerais boire de l'eau, puis j'aimerais qu'elle ait la saveur du vin. Comment veux-tu que je sois heureux? Qu'est-ce que t'as à foutre de l'eau? Qu'est-ce que t'as à foutre du vin? De toute façon, tu te plains tout le temps pour rien. Vous avez accès à tout. Vous voulez rester convaincu que vous n'avez accès à rien tout en ayant accès à tout. Ben, c'est impossible, pas compliqué tellement. Alors que nous n'avons accès qu'à la matière et à la mémoire, même en vivant des situations nouvelles à des moments courts ou longs. Tout est toujours nouveau. C'est votre maudite vision de traditionnel qui fait que tout est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours plate. Il y a des personnes qui se disent toujours, tu vois, encore me lever, encore travailler, c'est toujours la même maudite routine. Vivement la fin de semaine, là, au moins on fait du ski. Ben oui, c'est ça. Même maudite routine. Sauf qu'il faut pareil, il y a des gars. À l'école, quand j'étais jeune, les étudiants, ils se plaignaient tout. Fallait aller à l'école avec un veston de travail, des souliers de ville, etc. Les maudits uniformes. Veston bleu, veston pâle, veston foncé, veston vert, veston beau, veston bourgogne, pantalon gris, pantalon bleu, pantalon, comme on voudrait. Et ils sont pleins, faites des grèves, ils ont gagné, plus d'uniforme. Le lendemain, ça t'est arrivé en jean, tout le monde t'a bien bleu. Mais là, c'est de la liberté, là, ça l'avait. Gang d'imbéciles, c'est ça les maudits égaux. Ils se plaignaient alors qu'il y avait plus de choix, et après ça, ils étaient heureux quand ils étaient en plein dans ce qu'ils disaient qu'ils voulaient fuir. Alors donc, tout au long, cela reste pareil, rien ne change, cela reste toujours de la matière et de la mémoire. Oui, tant que vous voulez vous gaver de matière et de matière et de mémoire. Cessez de mentaliser, cessez de vous plaindre. Positivisez pas les choses, cessez de le geindre. C'est évident qu'il y en a plusieurs qui ne pourront pas le faire parce que ça fonctionne. Bon. Mais ça, chacun son karma, hein? Et vous avez encore plein de karma à payer. Alors c'est sûr, le banquier vous a dit, t'as tout remboursé, c'est fini. Et vous vous dites, ouais, mais tu m'as tellement aidé pendant ces 200 000 ans-là, là. Oh non, non, je te dois encore au moins 300-400 000 ans. Le banquier, il dit, écoute bien, moi, si tu me le donnes, je vais le prendre. Mais on sera jamais amis, parce que je peux pas être un ami avec une personne que j'ai l'impression que je fous. Alors, mais entre toi et moi, c'est réglé, c'est réglé. T'as tout remboursé, les intérêts compris. Ah, ça m'a tellement aidé, ça vaut bien plus pour moi. Mais continue à donner, qu'est-ce que je veux dire de plus? Continue à souffrir. Faut surtout pas penser aussi que la transparence est un masque. Mais non, la transparence, c'est pas un masque! C'est que la personne disait, c'est ça, t'as raison, la personne c'est ce qu'elle disait là, on va se mettre un masque, alors que je pense une heure à dire qu'il faut pas en mettre de masque. Mettons un masque par-dessus le masque, imaginez ce que ça donne. C'est beau, on va dire. C'est beau, alors je mets un fil qui dit, c'est bleu à la place. Je mets un fil qui dit c'est jaune. Tu peux pas mais maintenant, ça. Tu me suggères de mettre un fil pour me dire que c'est bleu. Hey, c'est bien pire. Oh, le fil, ça va être bleu. Rajoute-en pas. Fallait ajouter quelque chose. Tu dis de nous débarrasser de l'ego en le flanquant à la porte. C'est plus facile faire. Non, j'ai dit de mettre la bonne femme ou le bonhomme. Non. Ton ego, vous le mettrez pas dehors comme ça. Par contre, cessez d'être l'ego, puis cessez de l'excuser, puis cessez de jouer d'en avoir un. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les individus avec qui vous vivez, qui ne sont pas capables de vous respecter, alors que vous commencez à vous respecter et à les respecter, ben donnez-leur quelque temps, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à vivre entouré de morts. C'est simple. Et ne vous fiez pas à autrui pour savoir si vous les respectez ou pas. Parce que pour quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous n'êtes jamais suffisamment respectable. C'est vous qui devez le déterminer. C'est simple. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'en rentrant à la maison, vous sacrez le bonhomme ou la bonne femme dehors. Ou que vous faites vos valises. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans 6 mois ou dans 1 an, ben, à un moment donné, cessez de porter des karmas que vous n'avez plus à porter. Quand on s'assujettit à quelqu'un, on s'assujettit à son karma. Quand son karma est fini, si l'autre veut continuer à le payer, ben qu'elle aille le payer seule. Un conférencier a dit, certains couples... Faut jamais écouter les conférenciers. Certains couples sont en instance de séparation depuis 10 ans et vont fêter leur 10e tentative. 2 personnes ne sont pas faites pour vivre ensemble, mais l'ego pense que si l'autre devient mental, ils pourront vivre ensemble. Et l'ego se donne des raisons mentales pour ne pas laisser un malheur qu'il connaît pour un bonheur qu'il ne connaît pas. Pourquoi l'ego est-il prêt à mourir pour l'autre pendant 10 ans? Parce que l'ego se nourrit, l'ego ne meurt pas. Vos égos, ils ne meurent pas en souffrant, les égos. Un égo ne veut pas que l'humain soit heureux. Un égo ne veut même pas avoir le bonheur. L'ego, tout ce qu'il veut, c'est avoir de la mémoire. Appelez-la bonheur, appelez-la malheur, l'ego sera heureux. Sera content. Oui, mais je souffre. C'est votre mental qui souffre au contact de l'absurdité de l'ego, de l'incohérence du monde astral. L'ego ne souffre pas. Quand vous êtes malheureux, c'est parce que vous vous mentez. Uniquement. C'est la friction entre votre intelligence et la mémoire de l'intelligence. L'être humain souffre uniquement parce qu'il y a un conflit chez lui. Oui, mais je m'ennuie. Son ego veut se nourrir, son ego veut s'abreuver, puis il y a d'intelligence et de part qui lui dit, écoute bien, calme, grouille-toi donc un peu. Puis ça souffre. Puis la souffrance, ben la souffrance de l'expérience, des sécrétions, ça nourrit l'ego. L'ego ne changera pas pour rien au monde. Un être humain heureux ne veut pas devenir malheureux. Mais l'être humain malheureux reste malheureux. Il jalouse les heureux. Il est toujours en train de courir après son bonheur. Il tient pas à être heureux. Il tient simplement à continuer à faire ce qu'il fait. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui rient, il y en a qui chantent, il y en a qui gueulent. Ben, c'est ça, c'est des égaux. Sauf que ce n'est pas de l'intelligence. Et à un moment donné, les individus avec lesquels vous vivez, ben, il y en a qui vont commencer à vous mettre à la porte. Ou bien c'est vous qui allez mettre les autres dehors. Mais on doit s'arranger pour obliger les autres autour de soi à devenir respectables. Ça passe ou ça casse. Faut pas attendre 10 ans. Mais faut pas être impatient non plus parce qu'il y a de l'ego. Trop tard. C'est ça. Mais admettons que le conjoint ou la conjointe est réellement conscientisable. Elle peut devenir respectable. Tous les êtres humains sont réellement conscientisables par imprégnation. C'est celui qui vit avec, qui est un peu en avance sur l'autre, est capable d'être suffisamment transparent pour laisser sortir le peu d'intelligence qu'il a au travers de sa vie. Ça va colorer l'autre. Mais si le peu d'intelligence que l'on a sort toujours au travers de notre ego, ça ne peut pas faire évoluer l'autre. Tous les êtres humains sont conscientisables. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on doit les conscientiser par le rayonnement, donc par l'application réelle chez soi de ce que nous sommes. On ne peut pas conscientiser un être humain en lui donnant des cours à la maison. On peut jaser ensemble de certaines choses. On ne peut pas conscientiser quelqu'un en lui disant, a toujours des bêtises. Ah, tu vas évoluer un peu, là, ça changerait un peu les choses. On ne peut pas conscientiser un être humain d'égo à égo. Et le mental n'est pas un conscientiseur. C'est l'intelligence qui peut conscientiser. Et l'intelligence s'ajuste. L'intelligence, elle donne l'exemple. L'intelligence, elle ne donne pas l'exemple. L'intelligence, elle s'exprime à travers l'individu, ça devient un exemple. Tous les êtres sont conscientisables. Ton mari, ta femme, ta blonde, t'as bien des problèmes avec ta blonde, toi. Ah oui? Non, je comprends non. Ah oui. Bon, elle a aussi plein de problèmes avec toi. Sauf que ce qui arrive, c'est que fous-toi-en. « Fais ce que tu as à être, fais ce que tu es. » Si elle a resté avec toi, elle va rester, sinon elle va s'en aller. Mais ça ne sert à rien de continuer à souffrir et de la faire souffrir pour rien. Et c'est pas de mettre des mises en garde. Non. T'as le goût de sortir, sors, à chiale, cachiale. Tu rentres, ta gueule, mets-la dehors sur le balcon, ferme la porte. C'est tout. Elle n'a pas à gueuler. Tu es toi. Si par contre, tu viens, par exemple, elle veut sortir et tu ne veux pas, c'est à elle de te mettre dehors. On doit absolument revenir à ce respect fondamental qui existe entre deux êtres humains qui ne se connaissent pas. On doit être des amis. Reste avec un ami. Oui, mais elle veut rester avec un chum. Sois un ami. Oups. C'est que tu ne peux pas de temps en temps être un ami, puis quand tu as besoin de fesses, tu deviens son chum. Mais c'est là où la paix, tu deviens un ami, puis là, c'est pas un objet, la bonne femme. C'est là qu'il y a un contrat, puis que l'ego se ment. Oui. Il mentalise, exactement. Parce qu'il y a le mauvais côté, mais c'est à cause qu'il y a des bons côtés de temps en temps qui se permet d'avoir des mauvais côtés. Oui, c'est là qu'on y est. Pour devenir cohérent. C'est ça, c'est un manque de cohérence. Parce que c'est un manque de transparence. Tu vois pas les jeux de l'ego encore. T'as une autre question? Non. Ah, ben c'est bien, vas-y. Pose-moi des questions sur les dinosaures. On peut parler des réincarnations? Tu peux en parler. Le fait, justement, de, comme tu disais en première partie, puis ça, je l'ai réalisé dernièrement, quand on commence à vibrer à la pureté qu'on peut avoir, occasionnellement, on vibre, on est capable d'être assez haut vibratoirement pour réaliser ce que c'est que la pureté. Automatiquement, on touche à des réincarnations différentes qui vont justement jeter à la poubelle le médiocrisme qui mène notre vie. Ça dépend de ce que tu veux réincarner. Mais des personnes ici qui ont des réincarnations, on a déjà fait un BMC+, un moment donné, pour expliquer certaines choses. Ça l'a dit certains individus, ceux qui ont travaillé un peu sans trop travailler. Des personnes ici qui réincarnent de la cochonnerie totale. Il y en a d'autres qui réincarnent des choses extraordinaires. Et là, remarque, la majorité des gens pensent que c'est eux autres qui réincarnent les cochonneries. C'est ça, le médiocrisme. C'est l'ego. Oui. Mais le fait de vibrer plus haut, t'es en changement, tu réincarnes plus les mêmes affaires. Exactement. Puis si t'es capable de vibrer la pureté, tu es automatiquement capable de voir la cochonnerie de l'ego. Une personne me dit dernièrement, oui, mais quand vous parlez de réincarnation, vous êtes toujours en train de dire, tu sais, tel réincarne tel roi, puis l'autre telle princesse. C'est tout du monde ben haut, tu sais. C'est pas un peu... Savez-vous combien de monde, ben haut, il y a eu sur la planète depuis le début des temps? toutes les salles, puis les caves, puis les fermiers, puis toutes les autres un peu plus hauts, etc., ont été, à un moment donné, roi, reine, prince, princesse, quelque chose du genre. Si on fait le calcul de toutes les têtes aristocratiques dans toutes les nations et dans toutes les théologies qui ont été sur la planète, ben, il y en a un fichu paquet. Alors, on va dire, oui, mais, ben, c'est ça, c'est du médiocrisme. On réincarne aussi des personnages qui ne sont pas grand-chose. Toi, tu réincarnes du fermier, tu réincarnes du marin, mais tu n'as rien à foutre. Puis, à un moment donné, tu réincarnes aussi d'un prince. Mais lui, il est intéressant. Les autres, on va les digérer sans jamais s'y attacher. Mais le prince, il était prince, pourquoi? Parce qu'il contrôlait toutes les autres. Donc, le prince était puissant. Il contrôlait le peuple. Si le prince est puissant, c'est lui qui peut te contrôler. Et nécessairement, tu vas t'ouvrir à découvrir qu'il y a un prince que tu incarnes. Les autres, jamais de la vie, sont tellement faibles que tu les as digérés sans jamais t'en rendre compte. Tu ne t'arrêtes pas sur eux. C'est pas ça. Alors que sur le prince, à un moment donné, tu t'arrêtes sur lui. Ah, il me semble que j'étais, Bayard. Bon. Ah oui, Bayard. Mais c'est ça, il me semble que je réincarne Bayard. Tu connais Bayard? Tu réincarnes pas Bayard. Bon. Il me semble que je réincarne Bayard. Ben, un autre qui réincarne encore un héros. C'est évident. Ceux qui étaient trop faibles en termes d'historicité, vous les digérez sans les arrêter. Il me semble que je réincarne une laveuse de plancher. Ah oui, oui, oui. Elle manipule tous les jours. Ah oui, oui, oui. Franchement, elle est digérée. La conscience que vous avez, ça part directement. Mais par contre, Bayard, ou d'autres, Roland, il y a plein de personnages, à un moment donné, que les gens vont finir par aller chercher. Et qui, eux, vont commencer à vous manipuler, et là, vous allez commencer à vivre avec le personnage en termes de mémoire. Et vous allez devoir le digérer. Oui, parce qu'au début, si tu as le goût d'en parler, c'est qu'il est en train de te posséder un peu. Oui. Puis à ce moment-là, là, faut que tu t'en rendes compte, faut que tu mettes le mot dessus pour pouvoir le cellulariser. Ce n'est pas une question de snobisme. Mais non. Mais c'est très utile. Ben absolument. Comme tout à l'heure, on parlait, les individus, bon, si tu parles de ta réincarnation, tu vas la digérer plus facilement. C'est quoi le principe de la digestion par la parole? Vous avez des problèmes karmiques du passé, donc on parle de réincarnation. Bayard, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il s'est tenu sur le bord d'un pont, puis devant des centaines et des centaines d'ennemis, seul, il a empêché les ennemis de traverser le pont pendant plusieurs heures, jusqu'à temps que les troupes arrivent. Bon, il est mort là, finalement, mais en tout cas. On l'appelait le chevalier sans peur et sans reproche. Donc, c'est une élite. L'individu parle de Bayard, mais Bayard a ramassé du karma aussi. Alors, à un moment donné, tu réincarnes Bayard, puis là, tu rencontres tel personnage, puis vous vibratoirement, ça va bien. Mais chaque fois que vous parlez, c'est toujours en train de vous taper dedans. Mais si lui réincarne quelqu'un qui a connu Bayard, à un moment donné, vous jasez, puis lui, il dit, ah oui, oui, moi, Bayard, je l'ai connu. Je pense que je l'ai même tué. Ben là, tu vas te dire, ben c'est... qui tu penses que moi je suis? La personne, en posant la question, immédiatement il va se passer quelque chose, ça va dire... bon, c'est niaiseux, tu sais, mais peut-être Bayard, justement. Puis toi, tu vas dire exactement. Puis si tu le dis, puis moi je le savais déjà, je ne l'ai pas dit. Et là, tu viens de te rendre compte que celui qui t'a tué dans le passé, là, vous êtes face à face ensemble. Puis parce qu'il était impuissant, et toi tu étais impuissant, et parce que, à cause des nations, à cause des égrégores de troupes, de rois, etc., vous étiez des ennemis. Alors que présentement, dans la vibration au niveau du mental ou du plan supramental, vous vous entendez bien. Mais il y a des problèmes au niveau des réincarnations et ceux-là continuent à se battre. Le fait de le dire, le fait d'en parler, c'est réglé. Vous avez des problèmes karmiques, vous avez simplement d'autres choses. Vous vous mentez depuis 20 ans. Pourquoi vous avez un karma et pourquoi la parole peut le gérer? Le karma, c'est comme si on avait une forme particulière et elle ne passe pas dans le trou de digestion. Vous avez attaqué un enfant quand vous étiez adolescent et vous l'avez violé, vous l'avez tué, vous l'avez marqué à vie. Et là, vous ne pouvez pas vous autoriser à vous approcher de jeunes enfants ou d'adolescents. Vous en voulez en tant que parent, mais vous n'en voulez pas. Vous en avez, mais vous continuez à les battre parce que vous souffrez de leur présence. Et à un moment donné, vous en parlez. Qu'est-ce que ça donne d'en parler? Ça donne simplement qu'on va ressortir la forme qui est tout croche. Puis la parole va la remodeler. Et là, ça redescend dans le trou, ça ne passe pas plus. Et là, vous en reparlez. Et là, ça reprend une autre forme, puis là, ça rentre dans le trou, puis ça part. C'est fini, c'est digéré. Votre karma, il est réglé. Vous n'en souffrirez plus. Ça a un avantage. C'est que ça cesse, ça a fini. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, vous allez cesser de manger de la merde pour rien. Il y en a qui sont alcooliques depuis 100 ans d'années pour rien. Il y en a qui le sont uniquement parce qu'ils sont trop puissants. S'ils n'auraient pas été alcooliques, ils auraient fait des choses que c'était pas le temps. Donc, être alcoolique, jusqu'à temps qu'ils rencontrent des individus, puis maintenant, c'est le temps qu'ils puissent être corrects. Mais il faut que ça se dise. Il y a des choses de se parler. L'être humain qui se conscientise, donc plusieurs dans votre cas ici, vous rejetez à un moment donné totalement la pratique de l'évolution. Savez-vous qu'on peut vous jeter un sort et vous ramasser par les culottes pendant 20 ans? On va dire, ah oui, non, un sort, moi, la stress, les réincarnations, c'est toujours un peu de... Non, non, c'est de la pratique et c'est mauditement réel. Et plus vous allez commencer, pas à triper, mais le problème souvent que les individus se disent, « Ouais, mais c'est dangereux qu'on tripe ça. Faut-tu triper, toi? Ah, oh, moi, je pense pas, mais les autres... » Ah, bordel, cesse de projeter, puis laisse faire le travail des autres. L'être humain, réincarnationnellement, peut régler plein de problèmes en fouillant. Qui pensez-vous que vous réincarnez? Oui, mais c'est ça. C'est quel problème? Qui tu penses que tu réincarnes? Réincarne-tu un apôtre? J'ai fortement l'impression, mais c'est pas clair. J'attire les mémoires de rapports qu'il y a eu entre des gens intéressants. Et t'es-tu un oreiller? Non, je suis pas un oreiller. Il y a beaucoup d'apôtres qui servaient d'oreiller à Jésus, c'est une gang de suiveux. Quand il vient se coucher, il y en a qui se couchent là, il se couchent dessus. C'est des oreillers. Je vibre des mécaniques, mais c'est pas un personnage en particulier encore. C'est pas nouveau, ça, que j'ai été attiré à être près d'une antenne, mais où, qui... Parce que les êtres humains s'interdisent constamment. Oui, mais tout d'un coup, 25 personnes peuvent réincarner un apôtre. Il y en a un moment donné qui va réincarner la majorité de l'apôtre, peut-être aussi un autre. Mais peut-être que l'autre réincarne quelqu'un qui a connu l'apôtre très proche. Et il y a plein de choses, mais on ne veut pas jouer avec ça parce qu'on a peur de se faire avoir. La majorité d'entre vous, vous ne pouvez plus vous faire avoir. Mais vous vous faites encore avoir en acceptant de penser que vous pouvez encore vous faire avoir. Et c'est là que vous êtes des disciples. Des disciples de votre propre médiocrité. Pas des disciples de Daniel Kemp. Quand je veux dire des choses qui font plus de sens, il y en a un paquet qui vont s'en aller. C'est simple. Il y a des choses que j'ai dites à un moment donné qui n'allaient pas avec certains séminaristes, et puis ils sont partis, puis c'est correct. Et quand ils partent, ils se disent, moi je suis correct, je m'en suis rendu compte à temps, mais gars, la gang de cons. Oui, mais la gang de cons est pas conne. C'est simplement que il y a des choses qu'on dit qui ne vont plus, c'est le temps que ça aille. D'autres, ça va, c'est tout. Et il y a d'autres personnes qui se rejoignent au groupe, c'est tout. Mais vous avez peur de vous. Et chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on parle encore de soi. La réincarnation, ben oui, vous réincarnez pleine mémoire. Vous en avez un peu plus de 30 millions. Mais à travers ces 30 millions de personnalités réincarnatives, c'est évident qu'il y a quelques personnes qui avaient de l'allure. Dans presque toutes les cas. Comment on peut parvenir... Il regarde du coin de l'œil. Comment on peut parvenir... Oui. Comment on peut parvenir à connaître un peu qu'est-ce qui nous constitue en tant que mémoire? Ça vient quand ça vient. Ça vient quand ça vient. Il faut cesser de résister, cesser de dire non. La majorité, vous êtes tout seul sur le chemin. Vous avez besoin d'un Daniel Kemp pour confirmer. Moi, j'ai besoin d'êtres humains pour créer des condensateurs d'énergie. J'ai besoin d'êtres humains qui vont être totalement eux autres, totalement transparents, pour que ça accomplisse certaines choses. Bon, ça me regarde, ça vous regarde. Mais vous allez savoir quand ça va être le temps, c'est même pas nécessaire que je le dise. Mais l'être humain, il est sur le chemin, il a besoin de moi, il pense avoir besoin de moi. En réalité, non. Il est autour de moi uniquement parce qu'il est en synergie vibratoire, parce que le chemin se touche, mais parce que l'ego n'accepte pas les principes, ben l'ego pense qu'il y a besoin du conférencier. Ça n'a rien à voir. Vous le savez, vous le percevez et vous le refusez continuellement. De part de... C'est bon qu'à un moment donné, vous mettiez des freins. Bon, de la fausse humilité. C'est bon. Ça évite, effectivement, c'est le gardien, ça évite que vous tombiez dans le tripage. Mais à un moment donné, elle est tellement solide, cette protection, qu'elle fait aussi en sorte que vous ne tombez même pas dans ce que vous êtes. On doit s'autoriser à certaines choses dans ce que nous, sommes. C'est tout. Si par exemple, moi je pense réincarner le prophète Élie, puis deux, trois ans après, je me rends compte que c'était pas ça. Puis ça, le prophète Élie, mais il m'a pas dérangé. C'est tout. Je peux pas me faire tromper. On peut m'avoir, peut-être. Combien de temps? Combien de temps peut-vous fourrer? Pas assez longtemps. Ah, oh, mais je me suis fait avoir. J'ai écrit pendant deux semaines. C'est pas fait avoir. Quelqu'un qui se fait avoir, c'est quelqu'un qui fait sa vie là-dedans. Vous ne pouvez pas vous faire avoir. aller n'importe où, il n'y a pas de danger. Ça nous fera monstre pendant un mois, pendant deux semaines, pendant deux mois, trois mois, un an, peut-être. Ça peut arriver encore pour certains. Puis c'est pas, c'est la minorité. Puis, qu'est-ce qu'on a à faire? Quand vous vous réveillez, vous allez digérer ce qui s'est passé, vous allez vous en servir en énergie, vous allez être un cran plus haut. Puis après. Vous n'allez pas passer par le chemin, puis après, ça change quoi? Il y en a qui passent 20 ans dans la religion, après 20 ans, ils se ramassent aussi haut que nous autres. Pourquoi? Parce que les 20 ans leur servent de tremplin. Oui, mais pas dans 20 ans! Ils ont rien compris. Ils sont aussi bas que nous autres. Ça vient. Ça vient, vous le savez. Quand tu acceptes l'idée que tu peux être un personnage ou que tu as telle mécanique de ce personnage-là, tu acceptes... Non, tu n'es pas un personnage. C'est ça. C'est les mémoires. Oui, je sais. Les mémoires des personnages. Automatiquement, tu acceptes et tu réalises que c'est ton ego est pareil. Oui. Puis ça accélère le principe. Le fait d'accepter ça, c'est que tu vois plus ton ego puis tu t'en désidentifies plus vite. Premièrement, mais surtout, c'est que les individus avec lesquels vous vivez, avec lesquels les individus que vous allez côtoyer maintenant et dans l'avenir, ce sont des individus qui karmiquement vous ont connus. Et les problèmes que vous avez eus, que vous avez générés dans les temps antérieurs, ces problèmes-là vont ressurgir pour vous planter aujourd'hui. D'où l'importance de connaître la mécanique. Si je te demande, où penses-tu m'avoir déjà connu? Le chevalier de la table ronde, puis Jésus. Bon, dans ces deux époques-là. Ça peut paraître niaiseux, ça peut paraître n'importe quoi. Ça peut régler un maudit paquet de problèmes. Et on peut même finaliser pour certaines personnes en disant, oui, mais si tout était faux, on a plus de problème. Oui, mais si c'est basé sur des choses fausses, bon ben, on a un bonheur qui est faux. En attendant, on s'amuse, on s'engueule plus, on a plus de problème. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais c'est probablement très vrai. Et ce n'est pas faux. Mais les personnes pourraient dire, comme j'expliquais dernièrement, il y a des maladies psychosomatiques, c'est reconnu. Que t'allais voir un guérisseur, t'as guéri, là, croyez pas à ça. C'est ça, c'est dans ta tête, c'est ça, une psychosomatique. Les guérisons psychosomatiques, c'est interdit par la médecine. Mais les maladies psychosomatiques, alors ça, c'est permis. Ça, c'est rentable. Et c'est la même chose. Ce qui vous rend malade, d'un coup, c'est pas vrai. Ça rend malade, hein. Ce qui vous a guéri, d'un coup, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a à faire? T'es à l'église, il y a un miracle, t'es guéri. Ouais, mais ça, là, c'est juste, tu sais, du faire à croire. Comme les maladies. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si ça règle de quoi? C'est que c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas parce que la médecine le comprend pas. Mais c'est vrai que ça règle beaucoup de choses. On donne des placebos à quelqu'un, des médicaments, juste du sucre, là. Puis ça guérit des maladies. Oh, il était pas vraiment malade. C'est le médicament qu'il a besoin. C'est simple. Parce qu'il y a un paquet de mémoires astrales qui me manipulaient. Puis étant donné que là, je sais des choses, j'en suis sûr, ils peuvent plus me manipuler. Non, par contre, t'es toujours pogné avec moi. Oui. Bon, alors c'est ton karma. Pardon? C'est ton karma. T'es mal pris en ma présence. Si t'es mal pris en ma présence, puis qu'à un moment donné, on jase, faites-le le travail un peu. On jase. Puis là, on se dit, bon, tu penses qu'on va connaître quelle époque? Dans quelles circonstances? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jason! Ouais, mais d'un coup qu'on s'invente tout un scénario, on va régler un problème. Inventons-le! Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne pouvez pas l'inventer. Il est vrai, le scénario. Un personnage qui vient souvent ici, qui réincarne plein de choses. Je sais pas si j'ai dit sur j'allais faire une farce pour voir si ce serait levé, mais... Il a éliminé des choses, des karmas. Et il a réincarné une bête noire planétaire. Mais il a réincarné la partie blanche de la bête noire. La partie noire, elle a été réincarnée par un paquet de ses lieutenants. Il se fusillait un peu partout sur la planète Terre. Et elle, cette personne, elle a réincarné la partie blanche. Et si on parlerait de réincarnation avec elle, et de ceci, de cela, etc., à un moment donné, elle finit par comprendre plein de choses, puis là, le karma tomberait. Elle se sent responsable de ce que la partie noire a fait. C'est ça. Et oui. Alors, il en souffre régulièrement, puis toujours en train de vouloir défendre les nazis. Défendre le Troisième Reich. Alors que tout est beau. Mais elle en souffre. Parce que rien n'est beau. Mais tout est beau. C'est plein, plein, plein. Qui êtes-vous? Oh, moi, je suis pas. Moi, je. Non. L'humain doit se réveiller. Puis, progressivement, dans les années qui vont venir, vous allez devoir commencer à retrouver qui vous étiez. Parce que vous travaillez avec qui vous avez été. Et vous allez devoir travailler avec les gens que vous avez déjà rencontrés. Et il y a des problèmes. Hey, en une vie, en deux ans, on s'en crée ensemble des problèmes. Imaginez quand ça fait 2-3 000 ans qu'on se côtoie. Là, on est rendu à un point où on doit évoluer. C'est temps qu'on commence à régler les bébites du passé un petit peu. Il y a des personnages ici. Il y a un personnage là-bas. Il y a une femme ici aussi. Il y a elle. Il y a plusieurs personnages qui m'ont connu dans le passé. Et qui sont très, très, très, très, très plantés. Toi, oh, il y en a plusieurs. Je n'aimerais pas toutes. Il y en a même plusieurs, ouais. Et qui sont inhibés. Je suis inhibé aussi. C'est bon. On s'engueule plus parce qu'on est inhibé. Mais dans le passé, ça en est passé des choses. Les personnages, ils ont changé. Et je ne suis plus le même comme quand on s'est connu. À un moment donné, il faut que les individus découvrent des choses pour qu'on règle les bébelles. Pourquoi sommes-nous ensemble si on ne se parle jamais? Ou si les seules fois qu'on a se parler, c'est quand on pense qu'il y a un problème, puis on se parle pour régler le problème, là, parce que ça, c'est correct. Ben merde, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on est ensemble, hein? C'est quoi qui fait qu'on est ensemble? De l'intelligence? De la complicité du passé? Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rien se voir? On ne peut pas jamais se rencontrer ou se parler? C'est des problèmes. Des problèmes dans le passé. Et ça se règle. Des parents qui ne peuvent pas parler à leurs enfants parce que ces enfants-là ont déjà été avec eux dans le passé. Il faut qu'on travaille l'idée. L'homme et la femme ensemble, ils ont des problèmes. Il faut qu'ils travaillent l'idée. On se côtoie ou on est même des amis, ou on ne l'est pas, mais on pourrait. Il faut régler des choses. C'est pas dans le genre venir me voir, hey, oui, là j'aimerais ça en parler. Non, non, reste inhibé. Moi, je ne parle pas des personnes qui ne sont pas inhibées. Ils sont trop têteuses. Ils sont libérées. Mais il y a de quoi régler. Pas juste avec moi, entre vous aussi, il y a de quoi régler. Des problèmes. Juste se dire, là, qu'il n'y a plus de problèmes. Pas suffisant, mais c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, quand on s'est rencontrés, il m'a donné à l'époque de d'Arthur, lui et moi. Et moi, je peux lui dire, oui, effectivement, un jour, tu es arrivé, tu as voulu frotter Excalibur, et tu l'as tellement frotté avec ce qu'il fallait pas que tu l'as tout égratigné. Alors, le roi, étant très astralisé à l'époque, t'a donné un paquet de bêtises. Et toi, voulant te rapprocher du roi, t'as voulu lui rendre service, t'as eu un paquet de bêtises. Maintenant que tu retrouves le roi quelques années après, tu veux te rendre rapproché, mais tu n'oses rien faire. Mais tu n'es plus le même et le roi non plus. Il faut qu'il y ait des choses qui se parlent à un moment donné. Et quand c'est clair, c'est clair. Je ne sais pas que ce soit. T'as fait pire que ça. J'ai dormi avec. Avec Excalibur. Les individus doivent parler, doivent chercher, doivent reconnaître des choses qu'ils sont, doivent cesser de les rejeter. Ils ne doivent pas faire confiance à ce qu'ils reconnaissent. Ils doivent cesser de les rejeter. Quand on rejette sans discrimination tout ce qui peut se passer dans notre conscience, c'est qu'on fait confiance au rejet. Tant qu'à faire confiance, de temps en temps, faites confiance un peu à votre pouvoir de discrimination. T'as une question? Non. Ça t'arrange pas? Ça te dérange pas. Pose-moi une. Je vais aller dans ta tête. Oui, j'en avais une, elle m'a rien. Il y en avait une, puis il dit que non. Moi, hein? Ouais, mais elle est encore là. Elle est aussi vivante. Il faut régler les problèmes qu'on a. Non. D'une certaine... Moi, ouais, il n'y a pas de problème. Mais il faut régler les problèmes qu'on n'a pas. C'est ça. Il faut régler les problèmes qu'on n'a pas. Donc, il faut parler avec ceux avec qui on vit. Ben oui! Combien de temps passes-tu avec ta blonde sans jamais que ça fonctionne? Sans parler du temps que tu passes pas avec, ça fonctionne pas plus. Je sais pas. Comme ça, mais... Mais ben, pas mal plus que l'inverse. Ben, ça change. Je sais que ça change, mais ça change en se putainant. Tu rechanges pas fort. Ah, mais ça, ça me regarde, c'est moi, là. Je sais. J'ai des contrats à... Je comprends. Mais si tu dis qu'il faut parler avec ceux qui ont vie, c'est de temps en temps tu pourrais parler avec elle, mais convenablement. Mais on part pas, bon, là, ce fois-là, on parle de nos réincarnations, là. Écoute bien, elle voulait prendre un bain, toi, franchement, elle parlait de réincarnation. Non, il faut absolument, avec les égaux, trouver des situations. Mais quand on est mental, il faut trouver une situation, il faut la créer, la situation. Quand on est suffisamment intelligent, on n'a plus besoin de situation. Bon, mais dès le départ. Ben moi c'est ça, là. Ben oui. J'en parle, j'ai pas besoin de situation. C'est parce que je veux que ce soit qu'elle passe ou qu'elle passe pas, ça fait que c'est comme ça. Parce que je suis plus capable de pas me faire respecter. Puis j'ai de la misère à supporter de plus respecter moi aussi. Je sais, c'est encore le contrat de l'ego. Parce que le problème, c'est qu'un ego, ça attire un ego. C'est un maudit problème. Parce que si vous êtes beau, puis que moi j'ai un ego, si je commence à vous parler, c'est pas long si votre ego va venir me répondre. Un ego, ça attire un ego. Alors dans le couple, c'est ce qui va arriver. S'il y en a un aujourd'hui qui est correct, ça peut être elle comme ça peut être toi. S'il y en a un des deux qui est correct à un moment donné, il vient parler à l'autre. L'autre, il répond, schnack. Mais là, c'est l'ego qui vient répondre immédiatement parce que l'ego se dit, oh, oh, oh. Fait que toi, faut que tu contrôles. T'es en guerre en dedans, en guerre avec l'extérieur. Puis à un moment donné, ben là, c'est l'ego qui vient de gagner. L'ego a réussi à attirer l'autre ego. C'est comme ça qu'il y a du karma. Et là, c'est parce que t'as réglé ça avec l'ego. C'était ça ma question, finalement. Oui, si tu laisses ton ego parler, tu te respectes pas toi-même. Parce que tu laisses ton ego venir te violer ta conscience. Puis si l'autre, tu le laisses toujours dans ton entourage, à un moment donné, ça fait d'allure. Fait que si tu règles les pas problèmes mentalement, d'une façon respectueuse, tu peux pas t'attirer de karma. Non. Impossible. Il n'y a pas de karma au-delà du mental. Si l'intelligence vient régler les choses, il n'y a pas de karma. Elle sait qu'à un moment donné, tu pourrais même mettre ton enfant dehors sans karma. Si c'est par l'intelligence. Pas par l'ego qui pense que c'est l'intelligence, pas par etc. Mais vous êtes suffisamment capable maintenant de discerner entre l'un et l'autre. Toutes les raisons que le monde se dise pourquoi ils ne peuvent pas régler leur vie, finalement, c'est de la foutaise. Et oui. C'est parce qu'ils règlent avec l'ego. Oui. Il faut régler les problèmes qu'il n'y a pas. Vous êtes avec une personne, puis vous êtes malheureux. Qu'est-ce que vous faites avec? Ben, c'est parce qu'on s'aime. D'abord, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, il faut régler les problèmes qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce que vous projetez sur l'autre de vous-même, puis que vous détestez, puis que vous engueulez? Il y a des personnes qui passent leur temps à me dire ce que je dois faire. Pourquoi? Parce qu'elles veulent m'éduquer. En réalité, elles veulent éduquer ce qui, chez eux, est pourri. Mais ça ne fonctionne pas. Non seulement elles ne m'éduquent pas, elles m'irritent. Et puis non seulement elles ne s'éduquent pas, elles s'irritent. À un moment donné... Simple. Oui, c'est tellement simple, il n'y a plus rien à dire. Il est BA de simplicité. Ben oui, c'est clair. Alors, on fait une petite pause. D'ailleurs, l'heure est finie. Et puis, on revient 10 minutes.